face à ma vie, griffonne la feuille quand j'ai la haine. Le rap mon exutoire, l'histoire de m'évader. Je me revends au fond de la classe à penser à mon avenir. Je voulais la maille alors j'ai couru après elle. L'école je m'en tape, je rêvais seulement à des gros chèques. J'ai connu la marijuana et les cours j'ai décroché. Enfermé dans ma carapace, je voulais refaire le monde. Le Jex, la mif, l'oseille m'enivre, la hesse, la tease. Des frères dérivent, 6h du mat, perquise, plus la zombie. J'ai trop galéré pour voir ma vie s'assombrir. Je regarde le ciel une dernière fois, puis ferme la fenêtre sans un bruit. J'ai tellement galéré pour en arriver là, mon temps j'ai sacrifié. J'ai construit ma vie, formé ma famille. Enfin j'ai réussi ma vie. Laissez-moi profiter de ma vie. J'ai rien volé, j'ai tout construit. Sans tribune, sans thune et peu d'études. Car dans le fond, beaucoup d'envieux veulent être dans mes pompes, sans même prendre un coup de mon vécu. Laissez-moi profiter de ma vie. J'ai rien volé, j'ai tout construit. Sans tribune, sans thune et peu d'études. Car dans le fond, beaucoup d'envieux veulent être dans mes pompes, sans même prendre un coup de mon vécu. Ce soir, il fait froid, encore une fois, je remplis mon verre d'un alcool fort. Peut-être que j'ai mes raisons si j'ai tort. J'ai galéré sur le bitume, j'ai pris racine dans le béton. Où se mélange l'odeur de pisse et de bégon. J'ai cassé ma tête plus d'une fois pour m'en sortir. Je pensais que je tournerais la page, mais je ne suis qu'au titre. On m'a souvent classé de les mecs coupables. On m'a jugé sans savoir et ça depuis le cartable. Je me suis promis de faire de l'oseille pour ne plus connaître les fins de moi. Cette ambition a volé mon sommeil. Tout le prix regarde autour de toi. J'ai tellement galéré. Laissez-moi profiter de ma vie. J'ai rien volé, j'ai tout construit. Sans tribune, sans thune et peu d'études. J'ai tellement galéré. Car dans le fond, beaucoup d'envieux veulent être dans mes pompes, sans même prendre un coup de mon vécu. Laissez-moi profiter de ma vie, j'ai rien volé, j'ai tout construit. Sans tribune, sans thune et peu d'études. J'ai tellement galéré.